Bonjour. Eh oui, les cornes de brume sonnent et nous appellent. Amis du monde, amis de l'ombre, amis des ondes, bienvenue dans ce cargo culte. Alors, un cargo culte et du culte au carré, là, autant que je vous annonce tout de suite que le disque qu'on va mettre sur la sellette aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est le plus classique des disques cultes. Ou alors c'est le plus culte des classiques rock, si vous voulez. C'est un hymne, c'est une gloire, c'est un pavé. Et en même temps, c'est un gros poisson, et pardon du mauvais jeu de mots, ça y est, je vais enfin donner le nom du album qu'on évoque aujourd'hui, et puis surtout du personnage qui est derrière. C'est le double LP Trout Mask Replica de Captain Beefheart. Captain Beefheart, The Magic Band, comme il convenait de le dire à l'époque. Disque monumental, disque foutraque, disque dadaïste, disque libertaire et virtuose. Tous les superlatifs ont été donnés sur ce disque-là. D'ailleurs, les bons comme les mauvais. C'est-à-dire que cet album-là, il est en 69, c'est un pavé dans la mare, quoi. Et en fait, ça fait mal un peu aux pieds et ça éclabousse un peu autour de soi. Donc, on va un petit peu raconter l'histoire de cet album. On ne va pas évoquer, d'ailleurs, Captain Beefheart sur son ultra grande largeur. C'est quelqu'un qui est quand même là et qui marque, qui va marquer la rock music. Enfin, plus que durablement, quoi. Et en fait, ça va surtout être le cas avec cet album-là, il faut l'avouer. Il est au pinacle, en fait, de sa carrière à ce moment-là, en tout cas de son potentiel créatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il se décline après. Captain Beefheart a plusieurs vies, c'est ça qui est assez intéressant. Il a une vie musicale sur 13 albums, c'est beaucoup, et ça court jusqu'aux années 80. 13 albums studio, pondus entre 64 exactement, et 1982. Et suite à ça, c'est ça qui est génial, c'est ce facteur deuxième vie, il est plus marqué chez lui que chez n'importe qui d'autre. C'est que ce ne sera pas une vie de musicien, ce sera une vie de peintre, une vie d'artiste peintre, très associée à l'expressionniste abstrait, qui est déjà quelque chose de fort aux États-Unis, et sur lequel Captain Beefheart, alors qui reprendra pour le peu son vrai nom, Don Van Vilt, va être un petit maître, quoi. Bon, je ne suis pas là. C'est quelque chose qu'on évoquera d'ailleurs un peu, mais alors partons, allons à cet album, Trout Mask Replica. Commençons par regarder cette pochette. Une pochette qui est, elle est à la fois hideuse et sublime. Quand je suis petit, quand je commence à aller chez les disquaires, évidemment, quand le disque sort, je suis un petit haut. Hein. Mais je vais déjà chez les disquaires, en tenant la main de papa, quoi. Et puis, je vois, cette pochette me fait super peur. Alors, je vous la décris. Elle est l'illustration exacte du titre éponyme, Trout Mask Replica, sur un fond rose, une tête, avec un chapeau, et un masque de poisson, comme ça, avec la bouche proéminente, presque un petit peu gourmande, et tout ça avec un fond rose, et puis des fringues qu'on devine totalement babacoup, psychédélique. Alors ça se vérifie après dans la pochette intérieure. C'est un gatefold, donc ça s'ouvre, il y a pas mal de choses dans ce disque, notamment des dessins, notamment une photo de Don Van Vilt, donc Captain Beefheart lui-même dans sa petite jeunesse. Voilà, tout ça pour dire que ce disque déjà a quelque chose du grimoire, en fait. Et c'est d'autant plus le cas que c'est un double album. Les doubles albums, en 1969, à l'époque où sort le disque, ils sont assez peu fréquents. Et le double album, bah, finalement, c'est un exercice qui est davantage réservé au double live. Ça, c'est classiquement quelque chose qu'on trouve dans le rock, quoi, ça fait foi, alors on met le paquet. Ou alors un double album qui va être constitué de titres très longs, quoi. Comme ça peut aussi se le faire plutôt pas mal dans cette fin des années 60, bercé et élevé au psychédélisme, quoi. Chez Captain Beefheart, pas du tout. Le disque est foisonnant, mais en fait truffé de titres très courts. Il y a 28 titres au total. Le plus long fait 5 minutes, mais globalement, on est dans des standards de 2-3 minutes. Donc finalement, assez classique. Alors, comment on arrive à ce disque-là? Je vais un petit peu quand même présenter l'amont. Et par contre, peu détailler l'aval, qui est conséquent, mais quitte à insister, mais finalement, c'est une vérité. Aujourd'hui, c'est presque un cliché et c'est partagé par beaucoup. Effectivement, Captain Beefheart va être au sommet avec ce disque-là. Ce Child Mask Replica, double album, qu'on va écouter aujourd'hui en entier. Hein, donc, c'est 75 minutes. On s'embarque quand même sur un long cours aujourd'hui. C'est un disque, Don Van Vliet, il est né en 1941, il va mourir en 2000, donc autant dire tout de suite qu'il meurt tôt, il meurt juste avant 70 ans, un mois avant son 70e anniversaire, il mourra de sclérose en plaques, c'est pas rigolo. Voilà, donc on peut admettre que sa carrière de musicien, tout en étant dense, encore plus intense, est assez courte. Et ma foi, la musique, c'est un truc qui va le toucher assez tôt. Alors, c'est un fils unique qui grandit avec des parents plus ou moins commodes. Plutôt moins. Par contre, c'est quelqu'un qui est éveillé sur l'art extrêmement tôt. Il fait ses premières sculptures à l'âge de 4 ans. Et ça va être un élève brillant. À 13 ans, il est même le lauréat d'une bourse d'études qui lui permet d'aller étudier en Europe. C'est rare. Mais ses parents vont s'y opposer. Ils vont s'y opposer sous prétexte que tous les artistes européens étaient des queers, oui, et que le petit, il n'avait pas à se frotter avec ces gens-là. Bon, peine perdue, il va se rattraper autrement, le petit. Mais effectivement, du coup, il ne va pas passer par la case européenne. Les parents d'Anne Van Vliet vont déménager en bordure du désert de Mojave. Et du coup, c'est là, peut-être qu'en attendant la gloire et les excès en tout genre qui vont marquer la carrière de Captain Beefheart par la suite, c'est là qu'il va découvrir en fait les fondamentaux du blues, et spécialement des figures comme Howlin' Wolf. C'est très très présent chez lui. Bon, Muddy Waters, John Hooker, là après on peut ajouter une liste longue comme le bras, mais enfin voilà, ces noms-là évidemment sont plus que des icônes, quoi. Ils portent quelque chose de très très fort dont va à la fois se nourrir Captain Beefheart, mais aussi traduire, faire exploser ailleurs. Bon, la gloire va venir presque... Enfin, la gloire... Disons du très très vite, hein, en 1966, il commence en 64 avec le groupe. Le groupe, d'ailleurs, c'est amusant. Le groupe, le Magic Band, n'est pas créé par Captain Beefheart. Le groupe existe déjà. Et Don Van Vliet, qu'on va maintenant appeler Captain Beefheart, va se greffer là-dessus et puis finalement prendre les contrôles assez vite du groupe. Il va en devenir un leader, il va en devenir une figure charismatique et surtout il va porter le groupe au pinacle qu'on va découvrir bientôt. Les débuts de Captain Beefheart sont marqués par une reprise de Bo Diddley, le fameux Diddy Wah Diddy. Il y a pas mal de gens qui l'ont repris d'ailleurs, mais la reprise de Beefheart, elle est légendaire, quoi. Bon, cela dit, l'original de Bo Diddley, il est légendaire aussi, hein, on est dans du gros, quoi. Et c'est amusant parce qu'avec ce succès-là, la maison de disques va se dire ça, c'est parfait, on tient une réponse au blues anglais. Ce blues anglais très chargé, âpre, à la façon des Stones, hein, finalement. Mais non, Beefheart, il ne veut pas de cette association-là, évidemment. Et en 66, il va déménager pour Los Angeles. Et c'est là, de là que va se construire l'essentiel de la carrière de Beefheart et du groupe, de Magic Band. Et le premier album sort, Safe as Milk. Et ça marque totalement les esprits, c'est vachement bien. Mais on va déjà commencer à s'écarter des reprises d'un blues, disons-le, conventionnel. Quand même, le blues s'est électrifié depuis un moment. Ce qui est très fort chez Beefheart, c'est qu'en fait, il va quand même garder la rudesse du blues. Il va garder ce côté cru, il va garder ce côté raw et... Voilà. Et qui, justement, avait tendance à disparaître dans les sophistications électriques du blues. Et tout en lui donnant quand même cette force électrique, quasi rock et rock, il va mettre tout l'esprit libertaire, voire contestataire, de l'époque. Et cette liberté-là, finalement, c'est dans le jazz qu'on la trouve. Un jazz radical, c'est le free jazz. C'est Albert Heller, c'est Ornette Coleman. C'est là que Captain Beefheart va piocher en fait ses influences directes, voire ses hommages. Et c'est de ces hommages-là que regorge l'album Trout Mask Replica. Absolument, il en regorge. Alors, il faut savoir les entendre, des fois. C'est un peu masqué. C'est amusant de faire un lien à la fois grossier et en même temps assez touchant sur le fait que Barack Obama, oui, Barack Obama, celui-là, il n'y en a pas d'autre, hein, deux fois président des États-Unis et jusqu'à preuve du contraire, encore premier et dernier président afro-américain, avouait que son album préféré de tous les temps, c'était celui de Captain Beefheart, Trout Mask Replica. Alors, on trouve même sur le web une photo de Barack Obama posant avec le disque. Bon, à savoir si le truc est fake ou pas, voilà. Là, rien n'est moins sûr, j'ose dire. Mais par contre, oui, Barack Obama a réellement déclaré que c'était son album préféré. Formidable. Enfin, je ne sais pas si c'est un coup politique, parce que finalement, en déclarant que cet album est son disque préféré, on se met dans un camp qui est à la fois super poétique, dadaïste, iconoclaste, mais aussi ultra référencé, à la fois dans un blues qui est évidemment un truc nourricier et tutélaire de la culture américaine, mais aussi un disque de passage entre les cultures blanches et les cultures noires. Voilà. Pour la petite histoire, à la question de son disque préféré, Donald Trump, lui, avait déclaré que, et son groupe préféré, il avait déclaré que c'était voilà, le Lynyrd Skynyrd. Et bien sûr, leur célébrissime Sweet Home Alabama. Donc, c'est l'archétype du groupe sudiste, hein, avec toute l'arrière-pensée, l'arrière-culture plutôt suprématiste qu'on peut imaginer derrière. Donc, c'est très cohérent que Donald Trump, lui, admirait Lynyrd Skynyrd. Alors, au demeurant, Lynyrd Skynyrd, c'est un groupe hyper respectable, hein, et qui marque l'histoire aussi, finalement, de la musique américaine. Absolument, et avec des titres forts aussi. Donc, voilà. Cette parenthèse présidentielle américaine est pas tout à fait hors sujet. D'ailleurs, je vais la fermer pour conclure que Hillary Clinton, elle, avait choisi à cette question-là, parce que c'était une question finalement leitmotiv et générique qu'on avait posée au candidat à la présidence américaine, à la plus grande et la plus haute fonction. Donc Hillary Clinton, effectivement, avec un opportunisme pas même déguisé, avait déclaré que son artiste préféré était Katy Perry. Voilà. Elle a perdu la petite chérie. Katy Perry, comme Hillary, d'ailleurs. Bon, allez, je ne vous embête pas avec les présidents américains. Je vais sur Trout Mask Replica. Le disque, the disque. Donc, un double album. 28 titres. C'est du lourd. Comme le disait Lester Banks, Captain Beefheart est le seul vrai dadaïste du rock. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. Il n'est pas le seul. En tout cas, moi, je l'affirme. Mais par contre, il est le premier. Et il est le premier qui va influencer les autres. Anticipons sur les influences directes, mais celle des Residents, un groupe qu'on a déjà évoqué ici et se revendique, mais clairement de Captain Beefheart. Et puis, je ne sais pas, Père Ubu, Tom Waits, en Angleterre, Public Image. Enfin, on peut dresser loin. Mais voilà, parlons pas des influences, parlons maintenant de ce qui marque ce disque véritable. J'ai évoqué le free jazz et puis ce blues du Delta finalement. Mais alors, voilà, je pense que ce son on dit mieux qu'un mot. Et aussi une transe de parler finalement, et qui ramène un peu au chant africain. Quelque chose de griot. Dundelwild, Captain Beefheart, use de pas mal d'instruments iconoclastes. Alors notamment, il joue du saxophone et de la clarinette. Il en joue même parfois en même temps. Ce qui est un clin d'œil évident à Roland Kirk. Roland Kirk, c'est une figure du jazz aussi intéressante. Finalement, une icône pré-free jazz, absolument virtuose, et qu'on a eu un petit peu le tort de ramener à une forme d'attitude, parce que c'est quelqu'un qui pouvait jouer de deux, voire de trois embouchures en même temps. Et c'était assez facile d'en faire un phénomène de foire. Or, c'était loin d'être le cas. Et de fait, quand Don Donville se dote d'un saxophone et d'une clarinette en même temps, instrument dont il sait jouer, mais enfin, il n'en est pas non plus un super virtuose. D'ailleurs, il est virtuose de rien, Tenenbaum. Par contre, c'est un touche-à-tout génial, quoi. Voilà, il rend hommage à ça. Ces instruments jazz parsèment cet album, même s'ils ne sont pas dominants, et la construction même des morceaux, elle est plus proche du jazz que des envolées pop-rock traditionnelles. Le schéma couplet-refrain-break, couplet-refrain, il disparaît ici. La notion de solo n'est pas vraiment là non plus, même si on entend un petit peu. Par contre, il y a un jeu absolument époustouflant, et qui est assez d'ailleurs caractéristique des techniques d'ingénierie sonore de l'époque. Il y a un jeu assez époustouflant de gauche-droite sur la stéréo. On ne fait plus ça maintenant parce que les écoutes étant finalement davantage centrées du fait que finalement on écoute la musique au casque presque plus naturellement aujourd'hui que sur des enceintes. Il faut la fermer légèrement cette stéréo pour ne pas avoir tout à gauche ou tout à droite et créer une forme de déséquilibre qui ne convient pas strictement aux musiques d'aujourd'hui. C'est amusant de savoir que aujourd'hui, quand on réédite les Beatles, on recentre un petit peu la stéréo pour justement qu'il n'y ait pas juste une petite basse à gauche et puis de l'autre côté, tout le reste à droite, quoi, chose qui pouvait s'entendre à l'époque. C'était strictement le cas, d'ailleurs, du format des prises de son de jazz. Donc, il y a de ça. Il y a cette vie-là qui est retranscrite dans ce disque-là. Et justement, je m'écarte volontairement des références rock qui seraient presque évidentes pour aller chercher des références qui, elles, ne le sont pas du tout. Il y a un des titres forts de cet album, il y en a plein, il y a des tubes, entre parenthèses, comme Ella Guru, Moonlight in Vermont. Moonlight in Vermont, c'est extrêmement intéressant. Il y a une répétition de cette phrase, Come out to show them, par, et c'est sur 5 ou 6 reprises, Come out. To show them, come out, to show them, come out, to show them, que fait distinctement Captain Beefheart dans sa voix. C'est évidemment un ahurissant clin d'œil au come out de Steve Reich. Come out, to show them, come out, to show them, come out, to show them. Voilà, on la connaît cette histoire, elle est fondatrice aussi. Mais croyez-moi que faire un hommage comme ça, appuyé au come out, to show them, qui s'appelle come out en fait, de Steve Reich, qui a juste été fait 2 ans avant, faire ça en 1969, mais c'est et surtout dans un milieu dit pop-rock, dans des chapeaux. Personne n'y pense, quoi. Personne n'y pense. Donc, on est loin d'avoir des œillères chez Beefheart. Tout y passe. Un morceau comme The Blimp, c'est assez intéressant. C'est une poésie mise en abîme. Et alors, pour le peu, il va téléphoner pour le morceau. Il demande à ce qu'on téléphone à Frank Zappa et demande à Zappa de lire ce poème. Et du coup, pendant ce temps-là, Zappa, lui, le truc est enregistré, et il y a le groupe derrière de Zappa, donc les Mothers of Invention, qui jouent en arrière-plan. Et ça, c'est enregistré, mais un peu sauvagement. Et d'ailleurs, le disque est fabuleux, parce qu'il est truffé de techniques d'enregistrement qui contraire. Il y a des petits enregistrements qui sont réalisés à même un magnétophone qui traîne dans le lieu de résidence où pendant des mois, le Magic Band va répéter, c'est même pas répété, ils vivent en communauté finalement. Quant à Frank Zappa, que je nomme là, attention, c'est un homme clé du truc, parce qu'il est le producteur du disque, parce que le disque va être signé sur le label assez fraîchement créé de Zappa, Frank Zappa, qui crée le label Straight Records. Il en crée même 2 d'ailleurs, Bizarre et Straight Record. Et puis Zappa, il faut le dire, c'est un copain de longue date de Beefheart. Van Velt et Zappa se rencontrent sur les bancs de la fac et deviennent copains. Alors il y a des informations contraires, il y en a une qui disent, bon, ils deviennent copains, ça c'est clair, mais apparemment Zappa était un peu le souffre-douleur de Captain Beefheart, de Van Velt à sa période de fac. Et voilà, et finalement la manière de se venger après, c'était finalement un Zappa dire ok, tu m'as fait chier quand j'étais teenager, mais là je t'aime bien, on va faire un disque, et quel disque, voilà. Il y produira le suivant aussi d'ailleurs, et sur le même label. Donc tout est prêt pour que le Magic Band et Captain Beefheart soient à l'aise. Ce qui est intéressant, c'est que ce disque va se faire très vite en studio, mais surtout, il va être précédé par une vie en communauté, une résidence au large, enfin, à l'extérieur de Los Angeles, Ensenada Drive, voilà, on va vers les montagnes, on est dans la grande banlieue de Los Angeles, si vous voulez. Et là, bah, comme à peu près pas mal de communautés hippies de l'époque, parce que c'est évidemment dans ce truc-là qu'on se situe, tout le monde vit dans la dèche. La communauté, finalement, on fait plutôt penser à la Manson Family, avec les meurtres en moins quand même, que à la stricte communauté Baba Cool où on ramasse des champignons. Biffard est un peu un tyran. Et il dirige quand même de main de maître le Magic Band. Et de façon, finalement, paramusicale. De façon artistique, on revient au dessin, par exemple, et à la peinture, qui j'oserais dire que c'était le vrai métier d'Evan Welt. Il le montrera sur la fin, mais évidemment, c'est quand même l'artiste musical qu'on garde en mémoire. Il dessine les chansons, il fait des espèces de diagrammes et des formes. Bon, comme ils sont bien sûr à la résidence à Ensenada Drive, équipés quand même, tous les instruments sont là. Il y a même un mini Moog, hein, donc un piano. Ça, c'est pas les instruments de Biffard, mais il en joue quand même, au moins pour paf, jeter des idées, poser les idées. Voilà. Et il est immédiatement secondé, et lui, il est important, par John Jumbo French. C'est le batteur, John Jumbo French. French comme en français, exactement. Et qui va lui retranscrire un petit peu ses idées fulgurantes. Plus ou moins mettre en ordre ça pour le proposer après au groupe. Et voilà. Et tous les jours, ça joue. Tous les jours, ça joue. Ça joue 12 heures par jour. Ça n'arrête pas. In fine, les compositions ressemblent finalement plutôt à un puzzle qu'à des strictes chansons. Et le puzzle devient de plus en plus complexe. À raison de ce rythme-là, le groupe travaille pendant 6 mois. Donc, le groupe joue tout le temps. Les tensions sont absolument énormes. Mais, et c'est là que se passe quelque chose de sublime, c'est qu'on arrive à une cohésion ultime qui est absolument indéboulonnable. Il n'y a plus qu'à rentrer en studio. Il n'y a plus qu'à faire le disque. Et la légende dit que le disque se fait en 8 heures. Voilà. Press play, record, on ouvre, schlac, on ouvre les vannes, paf, paf, paf, paf, paf, paf. Le groupe joue, sans s'arrêter. Enfin, peut-être un thé à un moment ou l'autre. Et voilà. Captain Biffard, d'un dialect, non, n'a pas encore mis sa voix. Et c'est là qu'il y a un truchement qui fait que, à mon avis, le disque, la magie, elle est là. Enfin, il y a de la magie partout. Vous allez voir, il y a de la magie partout dans ce disque. Mais c'est dans une session suivante, mais très rapidement. Hein. C'est le lendemain que Biffard va mettre sa voix là-dessus. Et alors, elle est légèrement désynchronisée parfois. D'où cet aspect un peu spoken word, cet aspect de transe dans des mots qui sont répétés, et finalement l'aspect ultra verbal, mais dans le bon sens du terme, qu'on a dans ce disque-là. Je reviens sur ces titres qui sont strictement enregistrés sur un simple magnétophone, hein, à Ensenada Drive, et qui vont être finalement intercalés dans des espèces d'interludes étranges, qui deviennent des tranches de vie, plus ou moins monologuées, plus ou moins parlées, mais aussi parfois instrumentales, qui vont comme ça rythmer la progression de l'album. Je vous rappelle que c'est un double album avec 28 titres, donc il y faut comme ça des vagues, il y faut un petit peu des mouvements. Et plus souvent, c'est Biffard seul dans des textes. Or, les textes de Biffard, voilà, quand Lester Banks évoquait Dada, oui, on y est en plein. Cette diatribe si particulière, elle est constellée comme ça d'incantations maniaques, si vous voulez, qui jaillissent comme ça. C'est truffé de libre association et de cadavres exquis ou LSD. Ouais, je vous en donne un, alors que je traduis rapidement, si vous voulez, tits, tits, the blim, the mother ship, j'y vais en français, saint, le saint maternel, quoi, le saint féminin, saint, le dirigeable, le vaisseau-mère, Les frères se cachaient sous le capot de l'Olympe, le dirigeable. Tout le monde s'agite et les genoux des filles tremblent et courent et ondulent des mains et passent leurs mains sur le dirigeable, le dirigeable. Ouh, ouh. Wow. Toute connotation phallique avec le dirigeable serait évidemment pas tout à fait fortuite. Voilà, et c'est comme ça à peu près tout le temps quand même, hein, donc attention, pour se repérer là-dedans, c'est, si vous voulez, pas gagner. Quant à l'association Poésie Libre, Kadabrinsky et LSD, bah oui, évidemment, je dirais qu'elle n'est pas approuvée. C'était presque le fonctionnement ordinaire de toute création artistique de l'époque, hein, donc il n'y a rien d'original, si vous voulez, là-dedans. Et justement, mais j'y reviendrai après l'écoute de l'album, peut-être que l'originalité, peut-être que la pugnacité, et peut-être que l'arrogance même, et je fais exprès d'utiliser ce mot-là, de cet album, elle vient du fait que justement, c'est un disque qui est anti-LSD, c'est un disque qui est anti-psychédélique, c'est un disque qui signe sa mort. Et en ce sens-là, c'est un disque finalement... C'est un disque punk avant le punk, mais c'est une forme de punk intello. C'est un disque qui veut en finir avec la catatonie. Et ça, c'est une expression même de Van Vielt, de Captain Beefheart. En finir avec la catatonie. Ben, en attendant de reprendre, je vous laisse avec ces 75 minutes in extenso de Trout Mask Replica. La millième écoute est toujours aussi surprenante. Bonne écoute et à tout à l'heure. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my homeland. Take my hand and come with me. It's not too late for you if it's not too late for me to find my homeland. Where man can stand by another man without an ego flying. With no man lying and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn and the beggar learn and the little girls that live in those old worlds take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. There's old Gray with her dove wing hat. There's old Green with her sewing machine. Where's the bobbinet? She's toting old Green in a printed sack. The dust blows forward and the dust blows back. And the wind blows black through the sky. And the smokestack blows up in the sun's eye. What am I gonna die? A white flake riverboat just blew by. Bubbles pop big. And a lipstick Kleenex hung on a pointed forked twig. Reminds me of the Bobby girls. Never was my hobby girls. Handful of worms and a pole fishing. Cork bobbing like a hot red bulb. And a blue jay squeaks. His beak open an inch above a creek. Gone fishing for a week. Well, I put down my bush and I took off my pants and felt free. The breeze blowing up me and up the canyon far as I could see. It's night now and the moon looks like a dandelion. It's black now and the blackbird's feeding on rice and his red wings look like diamonds and lice. I can hear the mice toes scampering, gophers rumbling in piled crater rock holes. One red bean stuck in the bottom of a tin bowl. hot coffee from a crimped up can. Me and my girl named Bimbo, Limbo, Spam. That's how blues those poetry. That's how blues those poetry. Dachau blues, Dachau blues, those poor Jews still crying by the burning back in World War II's. One bad man, 6 million Jews down in Dachau blues, down in Dachau blues. The world can't forget that misery, and the young ones now begging the old ones, please, to stop being madmen, for they have to tell their children about the burnings back in World War III. War one was balls and powder, blood and snow. War two rained death and showers and skeletons dancing and screaming and dying in the ovens, coughing smoke and dying by the dozens down in Dachau blues, down in Dachau blues. Three little children with doves on their shoulders, their eyes roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands, begging the Lord, don't let the third one land on World War III. On World War III. It attracted a lot of rats, and they closed the doors, and they all get shot against that rush out of the rats. And nothing happened. They couldn't get the rats to move. See? So they got one fella down there. He said, he stammered, and he got excited. He couldn't talk at all. See? They got him down there, and Walls said, I'll get him out of there. And he took the sticks and beat them, started getting them out of there. And they started shooting from all directions. And old Wall thought he was going to get killed. Now here she come walking, looking like a zoo. Hello, Moon. Hi, Ella, guru. She know all the colors that nature do. Hello, guru. Hello, guru. Hi, Ella, guru. Hi, yellow, hi, red, hi, blue, she blew. Hi, Ella, guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. Just dig it. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Tight also. Where did you move here from? Just from Reseda. Yeah. Reseda? Yeah. She's nice. What do you think? Sounds good. It's a Bush recording. We're out recording with Bush. Name of the composition is Neon Meat Dream of an Octafish. No, it's hair pie. A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. Got me? When she wears her bolero, then she began to dance. All the pachucos start with holding hands. When she drives her chevy, sissies don't dare to glance. Yellow jackets and red devils buzzing round her hair hive hole. She wears her pants like a present, takes her fancy in the pants. Her sedan skims along the floorboard, her two pipes humming carbon call. Got her wheel out of a B-29 bomber, Brody knob amber, Spanish fringe and talcum tassels, forever amber. She looks like an old squaw Indian. She 99, she won't go down. Avocado green, alfalfa yellow, adorn her to the ground. Tattoos and tarnished utensils, a snow white bag full of tunes. Drives a cartoon around, drives a cartoon around. Broma sells a blue umbrella, keeps her up off the ground. Round red sombreros wrap her high tap horse's shoes. When she unfolds her umbrella, Pachuco's got the blues. Her loving make me so happy, if I smile, I crack my chin. Her eyes are so peaceful, thinks it's heaven she been. Her skin is as smooth as a daisy's, in the center where the sun shines in. Smiles as sweet as honey, her teeth as clean as the combs where the bees go in. When she walks, flowers surround her, let their nectar come into the air around her. She loves, her love sticks out like stars. Her loving stick out like stars. You were doing well. The goldfish in the bowl lay upside down, bloating full in the sky, and the plains were bleached with white skeletons, various species grouped together according to their past beliefs. The only way they ever all got together was not in love, but shameful grief. It's not the way I like it to get together. That's not the kind of thoughts I'd like to keep. The rain played lightly down, down on the former heap. Old lady, look up in time. Old lady, look out of love. And you should have us all, or you should have us fall. Sweet, sweet, sweet, sweet bells glow in my lady's garden. Wow, wow, wow, wow, wow, sun fingers wave in my lady's garden. Flowers dance, their faces brave. Come talk freely in the garden of my lady. A harmony smile, a harmony snatch. Only a crow would peck and a chicken would scratch. Her lips turned up to kiss. I see you, Phoebe, baby, in your bonnet. With sunset written on it. In the shadow of a tree, curled around your knee in color. And just behind you was a sea of negativity. Tinkling like mercury in the wind. Her feet kept by the ground, her toes bare brown. The carriage she'd abandoned like a hand-me-down. She walked back into nature, a queen uncrowned. She had just recognized herself to be an heir to the throne. The garden gate swings lightly without weight, open to most anyone that needs a little freedom. For God's sake, oh come as many as you can. In dark or light, you're free to grow as flowers. Share her throne and use her toothbrush and spend some interesting hours. Lucid tentacles test in sleeve and join in jointed jade pointed diamondback patterns. Neon meat dream of a octafish. Artifact on rose petals, in flesh petals and pots. Fact in feast, in tubes, tubs, bulbs, ingest, incest, ingest, ingest, in feast, incest. In specks, in speckled, speckled, speckled speculation. Bedlocks waddling feast. Arcade faces frenzy. Ceramic fists, artificial decease. In cysts, rancid buds burst. Dank drum and dung dust. Meat rose and hairs, meaty. Meat rose and hairs, meaty. Dream wet meat. Limp damp rose. Peeled in felt. Fields in belts. Impaled on in daemon. Mucus mules. Clot trot. Tra la. Tra la. Tra la. Tra la. Tra la. Whalebone. Fields in belts, whalebone farmhouse, cavorts girdled in ladders alight, cavorts girdled in ladders alight, a dipped amidst, squirming serum in semen in syrup in semen in serum, stirruped in syrup, neon meat dream of a octafish. Ha ha ha! In your x-ray gingham dress, I knew you were under duress. I knew you under your dress. Just keep coming, Jesus, you're the best dress. You look dandy in the sky, but you don't scare me, 'cause I got you here in my eye. In this lifetime, you got my human gets me blue. With your jaw hanging slack and your hair's curling like an old Navy fork sticking in the sunset, away, you were dancing, I knew you'd never come back. You were straining to keep your old black crack patent shoes. In this lifetime, you got my human gets me blues. Well, the way you've been, old lady, I could see the fear in your windows. Under your furry crawling brow, a silver bow rings up in inches. You were afraid you'd be the devil's red wife. But it's all right, God dug your dance and would have you young and in his harem. Dress you the way he wants, 'cause he never had a doll, 'cause everybody made him a boy. And God didn't think to ask his preference. You can bring your dress in your favorite dog, in your husband's cane, in your old spotted hog. Cause in this lifetime, you got my human gets me blue. Fast and bulbous. Fast and bulbous. That's it. Okay, do it again. I love that. I love those words. Fast and bulbous. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Bulbous also tapered. Yeah, but you've got to wait until I say. Also, a tin teardrop. Oh, Christ. Again, beginning. Fast and bulbous. That's right, the mascara snake. Fast and bulbous. Also, a tin teardrop. Bulbous also tapered. That's right. Peanut, her little head clinking like a barrel of red velvet balls, full past noise. Treats fill her eyes, turning them yellow like enamel coated tacks. Soft like butter, hard not to pour. Out and joined the sun while sitting on a turned on waffle iron. Smoke billowing up from between her legs made me vomit beautifully and crush a chandelier. View her from a thousand happy facets. Liquid red salt ran over crystals. I later band-aided the area side. Oh, well, it was worth it. Peanut, pleased but sore from sitting, chose to stub her toe and view the white bulbs horribly large in their red pockets. I'm tired of playing baby, she exclaimed, and out of a blue felt box let escape one yellow butterfly the same size. Its droppings were tiny green phosphorus worms that moved in tuck and rolls and quacks and whispered in their confinement. Three little birds scotch tape windows several yards away, mouths open to tugs that vibrated and lost saliva. Bean exclaimed, that's the raspberries! Light floats down the river on a red raft of blood. Night blocks out the heaven like a big black shiny bug. It's hard, soft shell shining white in one spot. Well, it's hard place that I'm living, but I'm doing well, well. The white ice horse melted like a spot of silver. Well, its mane went last, then disappeared the tail. My life ran through my veins, whistling hollow. Well, I froze in solid motion. Well, well, I heard the ocean swarming body. Well, well, I heard the beetle clicking. Well, I sensed the thickest silent scream. Then I began to dream. My mind cracked like custard, ran red until it sealed, turned to wooden and rolled like a wheel. Well, well, thick black felled birds are flying with capes of solid chrome, with feathers of solid chrome, in beaks of solid bone, in bleached the air around them, white and cold. Well, well, till it showed in pain. The hollow cane clicked like ever after. Its shadow vanished, shining silence. Well, well. Hoy, hoy! Big jump, comes out. drops are too small. Her head's like a ball. She tied off her horse and galloped off into the moonbeams. She pulled up her blouse and compared her navel to the moon. I did my life for a while. She's too fat to go out in the daylight, so she rolls around all night. I just saw the thread with a droop body. I'll set up with you, Big Joan. I'm too fat to go out in the daylight. I'll stay up all night. I won't droop if you won't talk about your hands being too small. You know something's happening, or you wouldn't have come out like you did. She ain't built for going naked, so she can't wear any new clothes. Or go to the beach, they laugh at her body, cause her hands are too small. When Big Joan sets up, her hands are too small. She's out of reach. A turquoise scarf and silver rolled up over a Merc Montclair. I'll set up with you, Big Joan. I'm too fat to go out in the daytime. I'll stay up all night. You promise not to talk about your hands being too small. Hoy, hoy! It's your boy! Ha ha ha! Now we won't have to worry about Rocket Martin with any of those girls. Rocket Martin takes off again into the wind. What do you run on, Rocket Martin? Say beans. I run on beans. I run on laser beams. When I get lonesome, the wind begin to moan. When I trip, fall in ditch, somebody wanna throw the dirt right down. When I feel like dying, the sun come out, stole my fear and gone. Who's afraid of the spirit with the blues for bones? Who's afraid of the falling ditch? Falling ditch ain't gonna get my bones. How's that full of spirit? How's that full of things? It ain't my fault the thing's gone wrong. Oh, when I'm smiling, my face wrinkles up real warm. Oh, when I'm frowning, they've just turned to stone. Falling ditch ain't gonna get my bones. Oh, when I get lonesome, the wind begin to moan. Falling ditch ain't gonna get my bones. In sugar, in spikes, in neon lights, in walks, in lights, in chains. Carbon smoke, hooping hope, gone the sky rush by. Fall back and dark, fall back and dark. I steam stale, shoes move, booming pale. Everything nice, everything nice and crazy. That's what little worlds are made of lately. Well, I'm paid up, built a home in my new Friday's house. There's no pH on my faucet, there's no bed for my mouse. I punch and grow mine, it's in diamond back time. Now it's king for a day, oh, it's my lady. Look fine. Got my peeking up hat in my caramel mess. Trippy low car. Got my spotted wrist around my honey. Going to see the navy blue vicar. Oh, Peter and Mrs. Ray Walker. Running, black ants crawling, yellow ants dreaming, brown ants longing, all those people longing to be free. Hoodoo, Ant-Man B, hoodoo, Ant-Man B. All the ants in God's garden, they can't get along. wall still running on. Sat one lump of sugar that they won't leave each other alone. Why do you have to do this? You got to let us through. Why do you have to do this? You got to set us free. Why do you have to do this? You got to set us free. Why do you have to do this? You got to set us free. And man be. And man be. Takes his honey, then he sets the flower free. But in God's garden only, man in the ants, they won't set each other free. Cloud caught a piper cub's tail, a match struck blue on a railroad rail. The old puff horse was just pulling through, and a man wore a peg leg forever. I'm on the bum where the hobos run, their breaks with filthy chatter. Oh, I don't care, there's no place there, I don't think it matters. My skin's blazing through and my clothes in tatters. And the railroad looked like a Y up the hill of ladders. One shoe fell on the gravel, one stick poked down. Gray of age fell down on a pair of ears. An eagle shined through my whole watch pocket. A gingham girl, baby girl, passed me by in tears. A jackrabbit raised his folded ears. A beautiful sagebrush jackrabbit. And an oriole sang like an orange, his breast full of worms. And his tail clawed the evening like a hammer. His wings took there like a bomber, and my rain can caught me a cup of water. when I got into town. Odd jobs, ma'am, ah, your horse all fodder. I'm the roundhouse man, I once was your father. A little up the road, a wooden candy striped barber pole, and above it read a sign, Painless Parker. Licorice twisted around under a fly, and a youngster cocked her eye. God before me, if I'm not crazy, is my daughter. Come, little one, with your little dimpled fingers, give me one, and I'll buy you a cherry phosphate. Take you down to the foaming brine and water, and show you the wooden tits on the goddess with the pole out full sail that tempted away your peg-legged father. I was shanghaied by a high-hat beaver mustache man and his pirate friend. I woke up in vomit and beer in a banana bin, in a soft lass with brown skin. Bore me seven babies with snapping black eyes and beautiful ebony skin. And here it is, I'm with you, my daughter, 30 years. Away can make a seaman's eyes, a roundhouse man's eyes, flow out water, salt water. Wildlife, along with my life, I'm going up on the mountain for the rest of my life. For they take my life, for they take my wildlife, for they take my wife. They got my mother and father, it ran down all my kin. Folks, I know I'm next, wildlife, along with my wife. I'm going up on the mountain for the rest of my life. For they take my wildlife, for they take my wife. For they take my wife. Wildlife. Wildlife. Going up on the mountain along with my wife. Find me a cave and talk them bears into taking me in. Wildlife, along with my wife. Wildlife, it's a man's best friend. Wildlife, along with my wife. I'm going up on the mountain for the rest of my life. For they take my life, for they take my wildlife, for they take my wife. Wildlife. Wildlife. Wildlife. Wildlife. I'm going up on the mountain. Find me a cave and talk to bears to take me in. Wildlife is a man's best friend. Wildlife. Wildlife. Here you would have a famous version of She's Too Much for My Mirror. Note the clever slate. She's Too Much for My or Anybody's Mirror, number two. Told you. She's too much for my mirror. She almost makes me lose it. The way she abuses it makes me never want to use it. Well, mend your heart and mind your soul. Oh, Chicago, she's a woman that make her young man a bum. She howl like the wind, make my heart grow cold. Make me long for that little red farm. She make things fly, she make things roll. She got me way over here and I'm hungry and cold. I remember my mother told me I ought to be choosy. That was way back when I thought she was my friend. Now I find out she's a floozy. I remember the butterflies and the sweet smell of corn and the bubbling fish in that little pond. Oh, losey, oh, losey. How long for you? How long for you? She's too much for my mirror. That little floozy, oh, how I feel her. Oh, losey. Shit, I don't know how I'm gonna get that in there. Starwood claw landing my jaw. I can't call it using, it's just something suited. Feather times a feather, morning time to thaw. Hobo chamber, hobo chamber. Standing still is losing. Feather times a feather, morning time to thaw. Starwood claw in my jaw. Hobo chamber, hobo chamber, hobo chamber, hobo chamber. Stand to gain my ground, lay to rest the law. The ocean is my mother, the chain is my paw. Hobo chamber, hobo chamber, oh, hobo chamber. The rails I ride are rusting, the loosened rise I'm trusting. The rails I ride are rusting, the loosened rise I'm trusting. Starwood claw rattling my jaw. Hobo chamber, oh, hobo chamber, hobo. You ready? The mothership's the one. The blimp, the blimp. I think that we have enough on the tape to just use that as is for the album. Okay, I'm gonna listen to it back now. I gotta go back to work. The black paper between a mirror breaks my heart. Moon frayed through dark velvet lightly apart. Steal softly through sunshine. Steal softly through snow. The wild goose flies from winter. Breaks my heart that I can't go. Energy flies through a field. And the sun softly melts a nothing wheel. Steal softly through sunshine, steal softly through snow. The black paper between a mirror breaks my heart that I can't go. The swan, their feathers don't grow, they're spun. They live 200 years of love, they're one. Raise my heart to see the cross of sun. Rainbows up Straw Hill. Breaks my heart to see the highway cross the hill. Man lived a million years and still he kills. The black paper between a mirror breaks my heart that I can't go. Steal softly through sunshine, steal softly through snow. Pappy was the khaki sweatband, bowed goat pot-bellied barnyard that only he noticed. The old fart was smart. The old gold cloth Madonna. Dancing to the fiddle and saw, he ran down behind the knoll and slipped on his wooden fish head. The mouth worked and snapped all the bees back to the bungalow. Mama was flattening lard with her red enameled rolling pin. When the fish head broke the window, rubber eye erect and precisely detailed. Air holes from which breath should come is now closely fit, with the chatter of the old fart inside. An assortment of observations took place. Mama licked her lips like a cat, pecked the ground like a rooster, pivoted like a duck, her stockings down caught dust and dough balls. She cracked her mouth, glazed, caught one eyelash, rubbed her hands on her gorgeous gingham, her hands brass sticky metal, intricate latchwork, open to the room. Smell cold mixed with bologna. Rubber bands, crumpled wax paper bonnets, fat goose legs, and special jellies, ignited by the warmth of the room. The old fart smelled this through his important breather holes. Cleverly, he dialed from within. From the outside, we observed that the nose of the wooden mask, where the holes had just been a moment ago, was now smooth, amazingly blended, camouflaged in with the very intricate rainbow trout replica. The old fart inside was now breathing freely from his perfume bottle atomizer air bulb invention. His excited eyes from within the dark interior glazed, watered in appreciation of his thoughtful preparation. Oh man, it's so heavy. I can't buy your Veterans Day poppy. It don't get me high, it can only make me cry. It can never grow another sun like the one who warmed me my days after rain and warmed my breath. My life's blood streaming empty, she cries. It don't get me high, it can only make me cry. Your Veteran Day poppy. Finito. George Mask réplica. C'est 79 minutes, pile poil. Il y a à manger. Hein. Alors là, la réception de ce disque à l'époque, parce que finalement aujourd'hui, je trouve que c'était quelque chose qui est encore totalement ahurissant. Hein, ça... J'ai eu un plaisir extrêmement inédit à écouter in extenso, exactement comme vous. Mais alors, je ne sais pas, vous, dans quelles conditions vous l'écoutez, au casque, sur une chaîne IFI, sur une radio. Et en fait, ça marche extraordinairement bien sur une radio. Sur une radio simple, évidemment, stéréo, pas une radio pourrie, quand même une jolie radio qui donne du son. Mais pas un sound system, pas fait pour ça. Et puis, pas un casque, parce que cette stéréo ultra séparée peut quand même s'avérer gênante parfois, surtout qu'il y a assez peu de basses finalement dans ce disque-là. On est dans des normes techniques où on donne pas dans l'infrabasse finalement en 1969, on le sait bien, en tout cas pas dans ces musiques-là. Et de fait, réécouter le disque vraiment face au poste de radio, et j'ai envie de dire à l'ancienne, mais c'est un plaisir extraordinaire. Et pour le peu, c'est inédit pour moi. Du coup, ce disque, et j'en achète la promo Roland, la première édition CD, elle est en 89 ou 90, quoi. Et voilà, puis j'écoute, quoi, le disque à qui m'est mieux, mais alors à l'époque, sur les Discman, c'était ces baladeurs, en fait, CD qu'on pouvait trimballer, on pouvait même faire tout jogging avec, à part que ça sautait partout, donc c'était pas super. Voilà. Mais l'écouter comme ça, exactement comme je vous le propose aujourd'hui, à la radio et pour la radio, je trouve que c'est une expérience assez formidable. Alors, est-ce que ce disque a emporté tous les suffrages à sa sortie? Bah, en fait, non, mais oui, quand même. Je m'explique. Trotmas Replica est un disque choc, mais vraiment, là, vous venez de comprendre pourquoi. Et c'est plus qu'un choc, quoi. C'est un turnover, c'est la fin d'un truc, et en même temps, ça va ouvrir à des cieux qui sont encore en phase d'exploration. Les rock critiques de l'époque, Lester Banks en tête, mais les autres, globalement, accueillent extrêmement bien ce disque. Vraiment bien. Simplement, la réception, elle, publique, va pas être top. Et il y a même une chronique de l'époque de Lester Banks qui incite le public, parce qu'il y a un frein aussi dans la politique d'achat. C'est un double album, donc forcément, il coûte plus cher qu'un album simple. Mais Lester Banks dit dans sa chronique, croyez-moi, c'est deux disques, donc c'est quand même une affaire. Vous en aurez pour votre argent. C'est un peu ridicule, quelque part. Surtout de la part de Lester Banks, qui est un gars de plume formidable et qui s'enflamme génialement. Mais du coup, aller vendre le produit, entre guillemets, sur sa supposée affaire ou non affaire, parce qu'il coûte cher, mais en fait, il y a beaucoup de contenu, donc il coûte pas cher. Enfin, on est vraiment assez dingue. Mais c'est cocasse. C'était plutôt amusant. Moi, je disais que et si je reprends ce mot, il fallait sortir de la catatonie. Et il ajoute même, il y a du boulot pour ça. Chez Blifart, il y a une volonté d'entériner les 60s, d'entériner le psychédélique, mettre tout ça à bas, flinguer les babacools. C'est dingue. Donc ce disque qui arrive complètement, effectivement, en 1969, ce disque signe la mort des 60s. Mais il signe aussi la mort des 70s, qui n'ont pas même commencé. Et c'est là que le disque est génial. Il met à bas les années 70 et tous ces abus un petit peu show-off, performatif des années 70. Voilà, en ce sens-là, il se dédouane complètement de Zappa. Frank Zappa, lui, appartient complètement aux années 70. Et finalement, il supportera mal les années 80, quand bien même il y survit totalement, évidemment, et Zappa reste une référence. Mais pourtant, c'est une référence 60-70. Du coup, il cédera le pas, c'est le cas de le dire, à son pote de toujours, mais aussi un peu son rival, son chouchou qui l'a produit, je répète, c'est Zappa qui produit cet album-là, hein, donc c'est important, et sur son propre label, qui plus est. Hein, donc on y met les moyens, on y met de la passion. Mais Blifart, lui, c'est les années 80, finalement, qui va ouvrir. Alors non, de manière totalement involontaire. J'ai déjà dit, mais ça vaut le coup d'insister sur l'influence retour, justement, des groupes qui vont marquer les années 80, mais tout en faisant leurs premiers pas dans les années 70. À l'évidence, les Residents. The Residents. Dont, en fait, on va rattraper la légende d'un album qu'on a dépeint dans ces colonnes ici. C'est du disque Eskimo. Grand concept album qui singeait par voie de manipulation de bandes. Des légendes esquimaudes supposément rapportées par Nigel Sinada, une forme d'ethnomusicologue allumé d'origine allemande, N. Sinada, comme il est dit dans les notes biographiques, et à partir desquelles les Residents auraient travaillé leur projet. N. Sinada. N. Sinada Drive, c'est l'adresse de cette résidence dans laquelle, pendant 6 mois, Captain Blifart and his Magic Band ont travaillé et plus ou moins domestiqué, je dis bien plus ou moins, le projet qu'on vient d'entendre, Trite Mask Replica and Sanada Road. Voilà une clé, évidemment, quoi. C'était précisément d'ailleurs au moment hein, vraiment de cet enregistrement. Donc, et aux États-Unis, évidemment, toute la clique qui va suivre, mais elle embrasse les années 80, pas 70. Je pense à Père Ubu, je pense à Arto Lindsay, son jeu de guitare acerbe, cette partie un peu noise, no wave new-yorkaise. Mais même Divo, c'est ça, quoi. En France, on en a aussi qui Étron Fou, Le Loup Blanc, Albert Marker. Aksak Maboul, qui eux sont belges, c'est exactement ça. Ecstasy, bien sûr, en Angleterre, ils se vendront même d'une reprise de El Aguru, des morceaux un peu marquants, peut-être, entre guillemets, tube, de Chart Mask Replica. Je vais citer John Peel, c'est quelqu'un qui, évidemment, est un amoureux de la musique depuis toujours, et qui avait déclaré s'il y a un génie dans l'histoire de la musique populaire, c'est Bifart. C'est Bifart et uniquement celui-là. Et il ajoute, j'ai entendu des échos de sa musique dans certains des disques que j'ai écoutés la semaine dernière et j'en entendrai plus encore qui résonnent dans les disques que je vais écouter cette semaine ou la semaine prochaine. Quoi. C'est évident. Chart Mask Replica est un phare. Et comme globalement la carrière entière de Bifart. Mais évidemment, c'est là qu'on est au pinacle. Alors, je n'ose pas dire qu'après, ça va chuter, parce que ce n'est pas vrai. Il y a un album qui suit celui-là, qui est aussi sur le même label de Zappa, qui est très bien, mais en étant un peu la copie du premier, finalement, donc pas non plus si flamboyant, puisque c'est un peu une redite, quoi. Spotlight Kid, qui arrive après, je n'ai pas l'année en tête, 73, 74, c'est aussi, à mon avis, un des grands à garder. Mais il y a 12, 13 albums, et il y en a qu'on peut oublier, très, très, très franchement. Il se trouve qu'il va y avoir quand même ce glissando qui n'est pas inintéressant, où Van Velt va devenir Van Velt, donc Don Van Velt, le peintre. À partir du milieu des années 80, les ambitions de Van Velt sont ailleurs, effectivement, elles sont dans la peinture. Et il abandonne le truc complètement, au profit de la peinture. Et c'est très intéressant de savoir que... Donc on le met dans cette famille, mais qui est large, hein, et qui a déjà une histoire, des expressionnistes abstraits américains, à la de Kooning, il y a des références de Franz Kline, mais bon, c'est aussi Jackson Pollock, hein, si vous voulez. Donc ça commence tôt. Mais il y a un ancrage rural complètement affirmé chez Don Van Velt. Et ça, ce n'est pas le cas des autres expressionnistes abstraits. Eux, au contraire, sont super urbains. Quoi. Ce que j'ai nommé, c'était le cas. Et en général, autour de New York ou de grandes métropoles comme ça. Donc, il y a une peinture extrêmement singulière là-dedans. Un galeriste dira même à Van Velt que c'est même dommage qu'il ait cette aura de musique parce que ça nuit à sa carrière de peintre. C'est très intéressant. On ne peut pas porter les deux. Et puis, bah, quand il est arrivé au début des années 80, et puis donc commencé à se faire connaître au milieu, mais pas non plus de facto acclamé, ouais, encore un rocker qui prend les pinceaux, quoi. Et de fait, ce créneau des années 80 est quasiment mortifère pour Bifart. Donc, Van Velt, à présent, qui va petit à petit, en plus, il souffre de sclérose en plaques. Et derrière, il mourra des complications de sa sclérose en plaques, mais il va passer toutes les années 90 sur un fauteuil, ou quasiment, quoi. Jusqu'à mourir en 2010, quoi. Donc la fin de sa vie est difficile, elle est recluse. Et paradoxalement, c'est là que la peinture de Bifart va commencer à se faire connaître, et surtout se faire reconnaître. Il va passer par des galeristes allemands, hollandais. Et les toiles de Bifart vont se vendre. Eh bien, il ne s'agit pas d'un petit dessin à $300. Quoi. Dans les années 90, une toile de Bifart coûte entre 25 000 et 30 000 ou $40,000. Voilà. Et ce sont des motifs extrêmement, extrêmement intéressants. Je vous renvoie, il y a un chouette documentaire qu'a signé la BBC en 97 qui s'appelle The Artist Formerly Known as Captain Bifart. Voilà. Il y a d'autres, mais il y a plein de films. Alors, si vous cherchez des éléments, effectivement. Et vous allez voir que Bifart, c'est pas ça. Parce qu'il y a des vérités, des contre-vérités. Hein. On n'est pas sûr de ce qu'on dit, parfois. Non, je vais offrir un hommage de fin, non pas par un des groupes qui aurait pu reprendre Bifart et lui rendre hommage, mais par un hommage strictement contemporain du truc. C'est les filles de GTO. Girls Together Outrageously. Je remercie Paco Mtielman de m'avoir introduit à ce groupe-là, parce que ça m'était passé complètement à côté. Paco Mtielman, c'est un grand fan de Zappa, alors il fait facto de Bifart. Et GTO, c'est un groupe de filles, c'est un girls band, et c'est un groupe de groupies. Elles sont danseuses, elles sont dans un trip un petit peu cabaret à LA, San Francisco. Elles accompagnent Love sur scène. Bon, et voilà, et on est en plein ces années. Et donc les filles, ben, il faut un album, un seul d'ailleurs, hein. Permanent Damage, ça s'appelle, en 69 aussi, la même année, ou 70, un an après, mais vraiment au même moment que Bifart, si vous voulez, sur le même label. Et bien sûr, elles s'entichent de faire des petits hommages à leurs copains alentours, notamment Bifart, et ça va être notre au revoir, ça va être ce morceau totalement, totalement hilarant, j'ai envie de dire, de GTO, les cinq filles de GTO, The Captain Fat Teresa Shoes, voilà, donc en hommage aux belles chaussures pointues, grosses et grasses de Captain Bifart, et probablement un clin d'œil aussi à, alors une anecdote qui est biographique strictement ou pas, mais on pense que c'est vrai quand même. Bifart, il a vendu des chaussures, il était marchand de chaussures et gérant d'un magasin de chaussures à la fin de sa vie étudiante, voilà, pour payer un petit peu les besoins de l'époque au début des années 60. Voilà, c'est notre au revoir et notre salut à la fois irrévérencieux mais aussi plein d'amour à Captain Bifart par les filles de GTO, The Captain Fats Teresa Shoes. Merci d'avoir été attentif et vigilant à ce cargo culte autour de Chooch Mask Replica. À très bientôt. His blue eyes, what a fantastic disguise. He's so grand and fantastic, so wonderful. The T of his T-strap stands for tippy toes. His tippy toes fit him to a T. OCB-DO-A-TIP is for me. With your bigger fat tippy toe Teresa shoes. They check him with virgin buttonholes. Reaching for experienced buttons. Thin striped cords that circle his porcelain ankles. Finally down to the captain's fat Teresa shoes. The T of his T-strap stands for tippy toes. His tippy toes fit him to a T. OCB-DO-A-TIP stands for me. With your bigger fat tippy toe Teresa shoes. His blue eyes, what a fantastic disguise. He's so gay and fantastic, so wonderful. The elevator classic. Thank you.